toujours, je suis victime de démons. Telle la marche de l'empereur sur le tapis d'or. Et j'étais heureux, j'étais heureux. J'étais heureux, j'étais heureux.